Chapitre 15. Madame d'Argonne entra chez Montaut presque craintivement. Il lui était très pénible de parler de cette affaire d'emprunt. Elle éprouvait une gêne à se sentir à la merci du couturier. Elle pensait que lui-même allait, sous un nom supposé, lui prêter cette somme, et elle s'inquiétait beaucoup de la lui devoir. Il vint à elle, plein de déférence, la fit entrer dans le cabinet où il travaillait à ses créations, et lui présenta un papier qu'elle parcourut et signa, et 50 billets de 1 000 francs. Madame d'Argonne, après l'avoir remerciée de son obligeance, lui demanda sa note qu'elle désirait régler, et il répondit que ça ne pressait pas, et il tira la note toute prête d'un des tiroirs de son bureau. La comtesse la parcourut et la paya. Elle était de 17 000 francs. Au moment où elle mettait dans son petit porte-carte la note de Montaut et les 33 billets de 1 000 francs qui restaient, le couturier lui dit de sa voix fausse et grêle « Et vous avez vu, madame la comtesse, que vous n'avez à craindre aucun ennui. » Il ajouta, l'air entendu, avec un pareil prêteur. Elle demanda, inquiète, « Quel prêteur ?» Montaut parut surpris. « Comment ? Vous n'avez pas vu, madame la comtesse, que celui qui se fait un plaisir de vous prêter cette petite somme est monsieur le comte Salomon ?» Elle s'arrêta court et répéta, devenue toute pâle, « Le comte Salomon ?»« Mais oui, je croyais que vous l'aviez vu en signant, madame la comtesse. »« Non, » dit-elle d'une voix qui s'étranglait un peu, « non, certes, je ne l'avais pas vu. » Elle hésitait, ne sachant que faire maintenant, et gardait dans sa main les billets sans les mettre dans la petite poche du porte-carte. Elle comprenait soudain la familiarité du banquier, qui la croyait informée du service rendu. Et l'idée qu'elle était à présent l'obligée du comte Salomon la bouleversait toute. Quand Montaut offrait de lui trouver un prêteur, elle avait cru que ce serait quelque usurier, ou un homme d'affaires, ou lui-même, mais jamais la pensée que ce pouvait être un prêteur de cette espèce ne lui était venue. Et un vrai désespoir la prit de voir que 17 000 francs manquaient à la somme qu'elle eût voulu rendre à l'heure même. Elle songea à redemander au couturier l'argent qu'elle venait de lui donner. Elle aimait encore mieux le devoir à lui qu'à l'autre. Mais elle n'osa pas. Alors, résolument, elle se dit « Puisque Jacques m'a offert à plusieurs reprises de l'argent, je vais lui demander ces 17 000 francs. J'aime autant ça. » Et sans rien dire à Montaut qui, surpris de sa mine défaite, l'observait sournoisement, elle partit. Quand elle arriva rue de Lille, son mari n'était pas chez lui. Il n'y était jamais à cette heure, et pourtant elle se dépita. Elle désirait tant le voir tout de suite qu'elle espérait presque le trouver. Elle donna l'ordre de dételer. Elle ne ressortirait pas. Fiévreuse, énervée, incapable de rien supporter qui la gênât, elle mit une longue blouse de crêpe de chine blanche ou truchée de maline, et s'allongeant sur le divan de son cabinet de toilette, elle attendit anxieusement le retour de M. d'Argonne. Là, elle resta immobile, le regard perdu, revivant pendant ces 2 heures toute sa vie depuis 3 mois. Elle voyait Morière, tel qu'elle l'avait aperçu pour la première fois, arrêté à la potinière avec les Givrets et Chagny. Tout de suite, elle avait trouvé qu'il ressemblait à Jacques. Et le dîner chez les Treuil, où il s'était révélé très snob, un peu vide, et uniquement préoccupé des choses du chic. Dans ce temps-là, elle n'était pas encore la jolie femme habillée par Montaut, celle qui donnait le ton et qu'on s'arrachait. À force de se mêler à ceux qu'elle considérait auparavant comme des sots, elle avait fini par différer moins d'eux, croyait-elle. À leur contact, sa personnalité s'était en quelque sorte usée. Elle ne luttait plus. Elle se laissait aller au courant. En se faisant aimer d'André de Morière, elle avait agi dans une pensée d'intérêt, très bassement. Mais son mari, qui la poussait, inconscient, il est vrai, lui semblait plus coupable qu'elle. C'était pour lui plaire, pour être aimée de lui encore, qu'elle avait consenti à jouer ce jeu qui la dégoûtait. Puis, peu à peu, elle s'était détachée de Jacques, soit parce qu'elle commençait à en aimer un autre, soit parce qu'elle lui en voulait de l'abaissement moral dont elle souffrait, et du rôle de bibelot de luxe auquel il entendait la réduire uniquement. Lui-même, d'ailleurs, quoique l'aimant parfois avec passion, avait supprimé de leur vie tous les instants d'intimité qu'elle cherchait à y ménager, tous les mouvements d'abandon d'autrefois. Il avait une façon de dire « On ne fait pas ça !» qui la glaçait. Alors cette idée lui venait, qu'elle ne parvenait pas à repousser, qu'en pareil cas, M. de Morière dirait exactement la même chose. mais elle le revoyait avec son visage suppliant de la veille, un visage vraiment bouleversé et très doux, et elle se reprenait à l'aimer et à espérer de cet amour quelque chose d'inconnu et de bon. À 6 heures, M. Dargon entra, le teint animé, les yeux brillants, extraordinairement gai, et il s'allongea dans une berceuse de bambou en disant « Tu ne sais pas, elle est bien bonne. Figure-toi que ce pauvre Treuil. » Très sérieuse, les lèvres tremblantes, elle l'arrêta. « J'ai à vous parler. »« Laisse-moi d'abord te raconter. C'est d'un drôle, tu vas voir. »« Je verrai après. J'ai à vous dire quelque chose de très pénible, de très difficile à dire. Je sais que ça va vous contrarier. » Il demanda, l'air ennuyé. « Tu es grosse. » Elle haussa les épaules. « Vous savez bien que non. Mais je devais depuis quelque temps beaucoup d'argent à mon taux. » « Et tes diamants ?»« Fini, depuis longtemps, l'argent des diamants. » »« Je devais donc beaucoup, et naturellement, j'allais devoir plus encore à la fin de la saison. »« Monto m'a offert de me trouver un prêteur. » »« J'ai accepté, et j'ai emprunté 50 000 francs. »« Peste !»« Payable dans 10 ans. »« Quand cette bonne tante de Bracieux se sera laissée glisser. » Et comme, choquée, elle ne répondait pas, il ajouta « Oh, pauvre femme !» Je ne lui veux pas de mal. Je l'aime même autant que si c'était ma tante à moi, mais enfin. » Christiane reprit. J'ai accepté. Et je viens d'apprendre à l'instant, après avoir signé l'acte de prêt et remis à mon taux une partie de la somme empruntée, que le prêteur est le comte Salomon. Pas possible. Elle crut qu'il s'indignait. Si. Croyez bien que je ne m'en doutais pas. Pourquoi? Lui en autre, qu'est-ce que ça fait? « Ça fait que ce matin, M. Salomon était avec moi très familier, faisant à ce près, que j'ignorais encore, des allusions d'un goût détestable. Eh bien, s'il recommence, il faut le remettre à sa place. C'est ce que je ferais facilement, si je me savais indépendante, mais ce n'est pas le cas. Et je viens vous prier de me donner la somme dont j'ai besoin pour le rembourser immédiatement. 50 000 francs, comme tu y vas. Non, 17 000 seulement, que je viens de payer à mon taux. Le reste, je l'ai conservé. » 17 000 francs, c'est une somme. Je le sais bien. Mais vous m'avez si souvent offert de l'argent, quand vous vouliez que j'aille chez mon taux, que... C'est vrai. D'autant plus que c'est pas pour dire, mais c'est vraiment de l'argent qui nous a profité. Tu ne trouves pas? Elle répondit, du bout des lèvres. Si, certainement. Eh bien, puisque tu y tiens si fort, car je sais bien que moi, à ta place, je ne me ferai pas de bile, elle eut un geste d'impatience. « Je vais te donner un chèque, ma petite Christiane, et tu le rembourseras à ton père Salomon. » En riant, il ajouta « Quel joli nom pour un usurier !»« Mais, » dit vivement Madame Dargon, « il m'a prêté à 4 %. » Le comte protesta « Oh, je ne dis pas qu'il fait l'usure, je disais « Quel joli nom pour un usurier !»« Comme ça sonne bien !» C'était une remarque artistique, tout bonnement. « Et, dis-moi, tu ne dois rien d'autre chose pour... » Il s'arrêta et acheva en riant. « Ton lancement !» Elle hésita un instant et, pensant à Morière, elle répondit, presque bas. « Si. »« Allons, dis-moi tout pendant que nous y sommes. Je te répète, pour te mettre à l'aise, que je ne regretterai pas de te donner ce que tu me demanderas. » Elle répliqua, les yeux à terre. « Merci, je n'ai plus besoin de rien. Tu as ce qu'il faut pour payer ?»« Oui, j'ai ce qu'il faut. Ce n'est donc pas beaucoup. » Elle murmura « Non ». Il se leva. « Je vais te donner ton chèque. Tu pourras régler cette affaire ce soir, si bon te semble. Après, tu seras tranquille. » Et se penchant vers elle, les lèvres tendues, « Remercie-moi, au moins. » Elle se laissa embrasser. « Je vous remercie. Vous me rendez un grand service. » Il demanda, un peu attristé, « Pourquoi ne me tutoies-tu pas quand nous sommes seuls ? Pour être sûr de ne pas le faire quand il y aura du monde. » « Ça me gèle, ça, tu vois ?»« Moi aussi, mais c'est vous qui l'avez voulu. »« J'ai presque envie de reprendre l'ancienne manière. Qu'en dis-tu ?» Elle répondit d'un ton coupant. « Je dis qu'il ne faut plus rien changer aux choses. Ce qui est fait, est fait. »« Comme tu deviens sèche, toi qui étais si aimante et si tendre, pourquoi, Adi ?»« C'est probablement parce que je vieillis. » Il allait sortir, mais il se ravisa et, changeant de ton, « Si tu savais, Treuil, tout à l'heure, au club, non, c'est trop drôle. » Par complaisance, elle demanda « Quoi donc ?» M. Dargon se rassit et, très animé, « Tu sais, ou tu ne sais pas, Que Treuil avait conservé la clé de l'hôtel de la Combe. Je sais. Bon, très bien. Alors tu sais aussi que depuis le règne du père Salomon, elle l'avait plusieurs fois invité à lui rendre cette clé. Soit que ce fût une façon de lui bien faire entendre que le congé était définitif, soit que le père Salomon redouta une crasse quelconque de Treuil. Oui, je vous ai entendu l'autre jour parler de ça avec monsieur de Chagny. Ça va bien. Treuil s'est vanté d'avoir répondu, pour refuser de restituer la fameuse clé, une lettre très raide. Et je ne serais pas surpris qu'il eût songé vaguement à faire la crasse que son beau-père redoutait. Toujours est-il que le papa d'Agar, préoccupé de ce refus persistant, avait, comme on dit, une frousse de tous les diables. Tout à l'heure, Treuil arrive au club à 5 heures. Il s'installe, il nous rase, il recommence l'histoire de la clé. Au bout d'un instant, on lui remet un petit paquet bien enveloppé. Il déballe, il déballe, il détortille un tas de papiers, des petits rubans. Nous étions tous autour de lui à faire des suppositions, des paris, à blaguer. Tout à coup, il enlève le dernier papier et l'en tire, roulé dans la carte de Blanche Lacombe, une jolie serrure anglaise toute petite, avec, malgré sa petitesse, un air formidable et compliqué. Comme il refusait de rendre la clé, elle rendait la serrure. Tu comprends ? Je comprends. Ce que nous avons ri ? Christiane, préoccupée, demanda. Est-ce que vous ne m'avez pas dit, ce matin, que M. de Morière devait venir me voir aujourd'hui ? Oui, il m'a dit qu'il viendrait vers 6 heures. Tiens, le voilà, probablement. Un domestique dit. Monsieur le vicomte de Chagny voudrait voir Monsieur le comte. Moi ? Fit M. d'Argonne, étonné. Faites entrer M. de Chagny au salon. Et se tournant vers sa femme, viens-tu le recevoir ? Christiane se leva. Mais si c'est vous qu'il veut voir ? C'est moi, sans être moi. Il n'a pas de secret à me dire, va. Chagny, qui faisait les 100 pas dans le salon, vint à M. d'Argonne et rapidement. Il faut que tu viennes dîner avec Treuil. Il veut te. Il s'arrêta court en voyant entrer Christiane. Elle se tourna en souriant vers son mari. Vous voyez bien que si. M. de Chagny a un secret à vous dire. Mon Dieu, fit Chagny embarrassé, je. Puis, brusquement. Non, en fait, c'est pas un secret, puisqu'il y a des tas de gens qui le savent, et des gens du club, bien mieux. Voici. Je suis chargé, par Treuil, de te prier de venir dîner avec lui. Il voudrait te voir. C'est pressé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a du gâchis. Après avoir reçu sa serrure, il est rentré chez lui furieux contre son beau-père. Et quand il en veut au père d'Agar, c'est Agar qu'il fait la scène. Il est entré chez Madame de Treuil sans se faire annoncer, ce qu'il ne fait jamais, paraît-il. Elle s'habillait. Mais pour comprendre quelque chose, il faut remonter très loin. Remonte ? Eh bien, il y a 2 mois, Treuil, qui n'était pas encore trompé par M. Salomon, croyait, très à tort, l'être par Morière. Quand je dis très à tort, c'est une manière de parler, parce que, enfin, il s'imaginait un beau jour que Morière était avenue Hoche, dans l'ancien appartement de Blanche Lacombe avec ladite Blanche Lacombe. Oui, je me souviens. Et comme il avait conservé la clé de l'appartement. Encore ? Fit Madame d'Argonne en riant. Toujours, répondit Chagny. Treuil ne perd jamais rien de ce qui peut servir. Donc, il voulut entrer tout de go avenue d'Auch. Morière se précipita pour l'en empêcher. Et il n'eut pas le temps de voir la femme. Il n'aperçut dans l'envolée qu'un petit jupon de satin capucine, orné de dentelles espagnoles et de pompons idem. Morière, embêté, atrocement embarrassé, dame, lui prouva que ce n'était pas Blanche Lacombe. Et il partit, sans savoir le nom de la femme dont il n'avait fait qu'entrevoir le petit jupon bizarre. Eh bien, tout à l'heure, en entrant chez Madame de Treuil qui s'habillait, il a reconnu le jupon entrevu et appris ce que tout le monde savait, excepté lui. Et après ? Demanda M. d'Argonne. Il ne va pas être assez bête pour faire de la musique, je pense. Si, il en a l'idée pour l'instant, car il m'a prié d'être son témoin. Eh bien, j'ai refusé. Pourquoi ? Mon Dieu ! Parce que les types comme Treuil ne me font pas beaucoup à moi. Étonné, le comte demanda. Qu'est-ce donc que tu lui reproches ? Un tas de choses. Son mariage, d'abord. Je n'aime pas les gens qui négocient aussi ostensiblement leur nom. Je lui reproche aussi la dépendance dans laquelle il vit. Enfin, un tas de petites malpropretés presque impalpables, mais qui sont tout de même des malpropretés. Qu'est-ce que tu as dit pour expliquer ton refus ? Oh, c'était bien simple, pour cette fois. Je suis trop lié avec Morière. Je ne peux pas être le témoin de son adversaire. C'est vrai. Alors il a demandé à Bonancourt d'être son premier témoin. Et il va te demander d'être le second. Monsieur Dargon déclara. On ne peut pas le laisser se battre. Ça serait absurde. S'il se bat, il faut qu'il se sépare après. Eh bien, il se séparera. Mais c'est Agar qui a le sac. Christiane fit un mouvement. J'avoue, dit Henri en Chagny, n'avoir pas considéré la question sous cet aspect tout particulier. J'ai cependant conseillé à Treuil de ne pas se battre et de ne pas faire de bruit. Oui, il faut étouffer ça. Étouffer, c'est assez difficile. Attendu que Treuil a raconté ça au cercle devant 10 personnes, au moins, m'a-t-on dit. Imbécile. Oh, quant à ça. Qu'est-ce que ça peut lui faire qu'Agar le trompe, et avec Morière surtout? Chagny répondit, gouailleur. C'est-à-dire qu'avec Morière, ça devrait le flatter. Ma foi, presque. Et soudain, M. Dargon conclut. Mais moi non plus, je ne me soucie pas d'être son témoin. Depuis un instant, il réfléchissait que, dans cette affaire, le côté Morière était le côté chic. La personnalité mondaine de Morière éclipsait totalement celle de Treuil. Il restait indécis, désireux de figurer dans une affaire dont on allait en parler, mais ennuyé de ne pas pouvoir choisir le côté où il figurerait. Et puis, ce serait insupportable, cette brouille entre Morière et les Treuil. Cela désorganiserait complètement toutes les petites parties. Il fallait quand même arranger cette affaire. Résolument, il déclara. Il faut persuader à Treuil que ce n'était pas sa femme. Ce sera difficile. On lui nommera quelqu'un de vraisemblable. La princesse, par exemple. Pauvre femme, ce qu'elle serait contente. Il baissa la voix. Prenez garde. Le voilà, André, et il ne sait rien. Monsieur de Morière entrait. En voyant Monsieur Dargon et Chagny, son front se barra d'un pli dur. Il espérait trouver Christiane seule, et il voyait que cette fois encore, il ne pourrait pas lui parler. Le comte dit, s'adressant à Chagny, « Je vais toujours aller dîner avec toi, après nous verrons. Je te demande un quart d'heure pour m'habiller, et nous partons. » Sûr d'être délivré bientôt des gêneurs, Monsieur de Morière avait retrouvé sa liberté d'esprit. Tout de suite, il demanda à Chagny. « Vous savez l'histoire de la serrure, elle est bien bonne. » Il disait cela exactement comme Monsieur Dargon l'avait dit une demi-heure avant lui. Et Christiane fit une fois de plus cette réflexion que son mari André se ressemblait étrangement, s'intéressant au même menu fait, les racontant presque dans les mêmes termes. Étendue dans un grand fauteuil où elle se balançait, elle regardait à présent Morière et Chagny qui causaient. Elle n'éprouvait pas la moindre inquiétude. Elle connaissait trop bien M. de Treuil pour n'être pas sûre qu'en cette circonstance, il écouterait la voix de la raison représentée par son mari. Très crâne, lorsque ses intérêts n'étaient pas en jeu, et très connu pour être tel, le baron saurait, cette fois, rester maître de lui. Il se tairait et garderait sa femme, c'est-à-dire sa situation. Donc Morière ne courait aucun risque. Et elle le voyait avec calme, tel qu'il était, sans l'auréole du danger. Elle avait pour lui un sentiment très paisible, très reconnaissant et aussi très tendre, mais elle ne cherchait pas à l'idéaliser. Il était un homme mieux que les autres hommes qu'elle voyait, mais ressemblant aux autres, après tout. Tandis que Chagny, avec sa fine tête de Gaulois, plantée sur un long corps souple et fort, ne ressemblait à personne. Son âme aussi, elle le savait bien, différait des autres plus encore que son physique. Et à cet instant, elle regretta de n'être pas à lui. Elle se dit que si, au lieu de l'acheter à Morière, on l'eût jeté à celui-là, elle eût sûrement trouvé du bonheur près de ce grand garçon narquois et affectueux. Quand M. Dargon revint, il expliqua à sa femme qu'il la retrouverait à 11 heures chez les Venancourt. Puis, lui glissant dans la main une enveloppe, il lui dit tout bas, pendant que Chagny et André causaient sans s'occuper d'eux, « Tiens, voilà ton chèque. » Puisque ça te tracasse de devoir quelque chose, paye. » D'une voix blanche, elle répondit, en regardant Morière, « Oui, je paierai. Soyez tranquille. Je paierai tout ce que je dois. » Ainsi s'achèvent leurs âmes de Sibylle Riquetti de Mirbeau, comtesse de Martel, dite Gippe,